14e chapitre chez les Bigoudins. L'étrange et sympathique population de la presqu'île de Pinmar domine tellement son paysage que cette esquisse devra décrire avant tout cette race des Bigoudins et essayer de débrouiller un écheveau ethnique pas mal enchevêtré, comme tout ce qui concerne les origines des peuples et leur migration. Avons-nous en face de nous sur le territoire français une peuplade asiatique, des mongoloïdes ou des phéniciens, comme certains écrivains le voudraient affirmer? Plus simplement, ces gens seraient-ils des Gaulois miraculeusement préservés de l'influence latine et grande-bretonne? Leurs broderies éclatantes, dont les dessins mythiques interprètent le soleil rayonnant, les étoiles et les coquillages ammonites, nous renseigneront-ils sur la formation de ces Bigoudins aujourd'hui encore nettement distincts des autres armoricains par leurs mœurs, leur art, leur intelligente vivacité, leur structure massive et leur visage, qui semblent avoir emprunté aux Asiatiques leurs yeux bridés? Il faut arriver à Pont-l'Abbé un dimanche, ou mieux encore un jour de grande fête, pour la Tréminou par exemple, le 4e dimanche de septembre. Dès la sortie de la gare, votre étonnement sera grand. Vous aurez sous les yeux le spectacle le plus pittoresque, le plus surprenant que les vieilles provinces françaises puissent vous offrir. Les costumes uniques portés par les Bigoudins vous saisiront dès l'abord, si vous avez l'amour des vêtements et des types archaïques. Au sortir des barrières de la voie de fer, vous passerez à travers une foule bigarrée, chatoyante, rutilante, femmes casquées de paillettes multicolores, hommes cuirassés d'or rouge et d'or vert. Leurs faces aux pommettes saillantes, leurs yeux d'idoles bouddhiques surprendront l'étranger. Observez leurs corps lourdement carapaçonnés et pourtant désinvoltes. Écoutez leur langage alluvionné de plusieurs patois bretons et remarquez surtout leurs broderies répétées sur les manches, les gilets, les corsages qu'elles emplissent de leur écriture symbolique, et vous aurez l'impression d'être en présence d'un peuple vieux de milliers d'années. Du nord au sud, il n'est certes pas sur le territoire français d'équivalent à cette colonie, débarquée peut-être dans la presqu'île de Pinmar pour y remplacer les autochtones. Du Clusiou, et avec lui d'autres érudits, ont rattaché ses broderies à l'art gaulois, tandis que le docteur Aubry reconnaissait nettement des attributs religieux de l'Inde dans ses dessins. Ce petit peuple bigoudin, si étrange et si différent de ses voisins de la Cornouaille ou du Léon, a fait couler des flots d'encre. Certains bretons fanatiques, ne voulant pas admettre d'éléments impurs dans leur race, ont affirmé qu'il était celte, alors que la généralité des celtisans, se basant sur la jalousie inexplicable qu'inspirent aux Finistériens les habitants de la presqu'île de Pinmar, prétendent que les Bigoudins sont des étrangers venus à la suite d'on ne sait quelle migration de navigateurs sur le sol de l'Armor. D'ailleurs, des travaux récents et indiscutables prouve que les négociants phéniciens connurent la Petite et la Grande-Bretagne et y commercèrent. Cette question des races européennes s'obscurcit plutôt qu'elle ne s'éclaire. Voilà-t-il pas que certains savants mettent en doute l'invasion aryenne qui, croyait-on, avait peuplé l'Europe ? L'on a trouvé en France des fossiles humains qui prouveraient qu'elle était habitée aux époques les plus reculées, bien longtemps avant les invasions certaines des peuplades asiatiques, ligures et gauloises. La France est donc un immense creuset où les races diverses et innombrables se sont fondues et ont mélangé leurs éléments latins, celtes ou mongols pour former un peuple, les Français. Mais pour l'ethnographe, des caractères physiques et moraux auxquels le climat n'est pas demeuré étranger différencient les Bretons des Normands et les Auvergnats des Provençaux. Les uns, traînant à leur suite des peuplades mongoloïdes, slaves et finnoises, ont pu faire souche en Gaule. Plusieurs savants en ont retrouvé le type en Bretagne, en Auvergne, en Picardie et dans le Morvan. Quelques mots maintenant sur Pont-l'Abbé et la Presqu'île. Pont-l'Abbé est une coquette ville de 6000 habitants qui réunit les agréments du souvenir et de l'emplacement. L'on connaît à peu près l'histoire de cette cité depuis l'an 1000. Lorsque vous arrivez de la gare, après la traversée du faubourg de Lambourg, vous franchissez un pont jeté sur la rivière et vous voyez un château fort défendu par une sorte de lagune formée par le cours d'eau. Ce château, dont les vieilles parties datent du XIIIe siècle, ne manque pas d'allure. Sous la Ligue, et plus tard sous Louis XIV, lors de la révolte des paysans contre les impôts iniques du roi Soleil, le château fut ensanglanté d'assauts de prises et de reprises. L'église paroissiale actuelle faisait partie du couvent des Carmes, fondé en 1383 par Hervé Dupont. Le nom de la ville viendrait donc de cette famille noble qui contribua à l'édification de cette église remarquable par son portail encadré de 6 colonnettes et percé de 2 portes ogivales. Une fenêtre avec rose rayonne au-dessus du porche. Au fond de la nef, une magnifique rosace s'ouvre dans le grand pignon. De vieilles demeures et l'hôtel construit en 1652 par la famille Pradglas de Kernaflen prouvent qu'au XVIIe siècle, la richesse des nobles habitants de Pont-l'Abbé était considérable. Mais si nous voulons avoir une haute idée de l'aisance de la population bigoudaine au Moyen-Âge, il faut parcourir la presqu'île, considérer ses églises monumentales, maintenant isolées en pleine campagne, admirer au passage des châteaux et des maisons fortifiées, comme ce Port-Saint-Lambert, qui serait une ancienne grange où l'on récoltait la dîme. Pinmar, qui a donné son nom au pays, a connu la plus haute fortune au XIVe et XVe siècle. C'était une des plus grandes villes sur l'océan et le premier port de France pour la pêche de la morue, de la sardine et des gros poissons. De Pinmar à Kériti, pendant plusieurs kilomètres, vous suivrez les traces de rues pavées et de temps à autre, une belle construction se trouvera sur le passage de ces anciens boulevards habités des riches armateurs. Ce qui est plus extraordinaire, de mauvais chemins creux, bordés de ronciers, s'appellent encore rue des Argentiers, rue des Merciers, etc. On ne peut se défendre d'une réelle émotion lorsqu'on songe qu'une grande capitale put sombrer dans la mer au XVIe siècle sans qu'aucun texte précis nous renseigne sur ce cataclysme, l'un des plus considérables du littoral français. N'est-il pas inouï que cet affaissement du sol, ce mouvement sismique remuant ce coin du globe et faisant disparaître peut-être des milliers d'êtres et de maisons et chassant à tout jamais les bancs de morues, n'ait pas laissé dans la mémoire des hommes un souvenir horrible et précis? Allez donc écrire l'histoire de Bretagne depuis ses origines, lorsque des cataclysmes vieux à peine de 4 siècles paraissent aujourd'hui légendaires. Promenez-vous donc à Pinmar, parmi les ruines de cette Carthage armoricaine qui rivalisa avec Nantes et rayonna sur l'océan avec ses grands navires à châteaux d'avant et d'arrière. La plaine basse s'élève à peine au-dessus du niveau de la mer. La presqu'île paraît un radeau trop chargé de monuments énormes qui dominent son sol et avertissent le voyageur qu'il parcourt une terre jadis fortunée et si habitée qu'il n'y avait presque plus de campagne, mais des faubourgs agglomérés à la capitale, très outré Pinmar. Ainsi, les ruines de Kériti, la tour de Saint-Guénolé, la chapelle de la Joie et surtout l'église de Pinmar attirent et retiennent l'attention, car seuls ces édifices jaillissent hors des champs écrasés et l'œil les aperçoit entre le ciel et l'eau infinie. On affirme que la première fois que M. Léon Palustre, le savant archéologue, se trouva en face de l'église de Pinmar, l'antithèse de cette construction énorme d'un art raffiné en ce pays maintenant pauvre, le stupéfia tellement qu'il crut à une vision et qu'il palpa les murs de ce monument. Sur les murs de cette église, on voit la représentation des galiotes et des vaisseaux qui appartenaient au port de Pinmar. Une scène curieuse est à noter. Un bateau fait la pêche. On aperçoit le diable chassant les poissons au fond de la mer lorsque Saint Nonna, patron de la paroisse, apparaît, poursuit le démon et permet aux marins d'avoir une pêche fructueuse. Le clocher, la tourelle, les pignons, la nef, l'ancienne ossuaire sont d'une admirable élégance de style. À l'Octudie, pénétrez dans l'église romane du XIe siècle, l'une des plus remarquables de Bretagne. À Kériti, n'oubliez pas les ruines imposantes de Sainte-Thumette. À Saint-Jean-Trolimont, voyez la chapelle et ce calvaire et revenez à Pont-l'Abbé par la chapelle de la Tréminou. Ensuite, demeurez convaincu que vous voyez les vestiges d'une civilisation avancée et d'un peuple qui connut les gloires paisibles de l'art et du commerce. Après cette rapide excursion dans la presqu'île, afin de situer la curieuse population des Bigoudins et montrer le degré de prospérité de leurs ancêtres immédiats, Efforçons-nous d'élucider le problème ethnique et, sans prendre parti pour l'un et l'autre des érudits qui ont disputé la question, exposons les faits qui prouvent au moins l'origine archimillénaire des habitants de la presqu'île. Tout dans la symbolique de la coiffe et des broderies affirme que le culte de Vénus, du soleil et des étoiles, fut célébré par cette race à l'aurore de sa migration sur le sol armoricain. D'abord, le terme « Bigouden » a une signification essentiellement érotique. C'est le phallus celte, et les détails de la coiffe appelée « Bigouden » sont évidemment inspirés de ce culte. Encore maintenant, les broderies au fil blanc qui décorent cette coiffe représentent le soleil nageant au milieu des étoiles yeux. Cette coiffe est assez extraordinaire pour qu'on la décrive pièce par pièce. On trouve en partant des cheveux la coiffe bleue. Coiffe-cheveux, sorte de bonnet qui se pose directement sur la tête. Les cheveux continuent de tomber sur les épaules en passant sous le bonnet. Les lintres argants, carrés d'étoffe lamellés de paillettes qu'on place de chaque côté par-dessus les oreilles qui sont toujours masquées. Le roseres, bande de coton ou large galon, utile au maintien des cheveux. Le dalleden, carré de toile qui dissimule le roseres. Dalleden signifie front large. Jadis, cette partie de la coiffe se mettait très en avant. Maintenant, elle est posée en arrière. Enfin, une coiffe en toile blanche, brodée de soleil et de rayons, se termine en pointe symbolique. Des légendes populaires ont voulu expliquer l'origine de cette coiffure. Elle serait, au dire des uns, l'imitation exacte du bonnet de papier dont les vieux Ibériens affublaient les criminels qui devaient être exécutés. Les maris auraient ainsi marqué leurs femmes pour se venger de la façon trop hospitalière dont elles accueillirent des étrangers en leur absence. Certains encore affirment que la coiffe pointue aurait été inventée en manière de protestation contre le découronnement des clochers ordonné par Louis XIV lors de la révolte des paysans en 1675. Les Bretons, soutenus par le petit clergé, se soulevèrent contre les nouvelles taxes. Pour se venger, le grand roi ordonna au gouverneur de la Bretagne, le duc de Chaulnes, de sévir et paternellement, le duc abattit beaucoup de têtes et quelques clochers. Les femmes, voyant leurs clochers bas, voulurent les porter sur leur tête, et c'est pourquoi elles chiffonnèrent leur coiffe et lui donnèrent la forme que nous lui voyons à présent. Ces explications ont du moins le mérite du pittoresque. Nous allons maintenant examiner les broderies des corsages, des manches et des gilets, et nous allons retrouver les symboles indéniables des religions primitives. Ceux de nos lecteurs qu'intéresserait cette question devront lire l'ouvrage magistral du statuaire Émile Soldi, « La langue sacrée », Achille Heymann, édition 1897. À Pont-l'Abbé, plusieurs centaines d'ouvriers et d'ouvrières brodent en atelier ou chez eux ces motifs vieux comme le monde. Nous avons pu nous-mêmes les comparer avec les gravures de la table des marchands à Locmariaker et du dolmen de Gavrinis. Et si les signes ne sont pas disposés dans le même ordre, ils existent avec des caractères de ressemblance surprenants. Les brodeurs modernes reproduisent, sans y rien changer, les figures antiques, et ceci n'est pas le moins étonnant. Nous devons à M. Nicolas, un maître de la broderie, les explications suivantes. Autrefois de laine rouge ou jaune, les broderies sont maintenant faites en soie de trois couleurs, or rouge, or jaune, or vert. En prenant un gilet par le haut, on trouve une ou plusieurs lignes de drenpesque, arêtes de poisson. Entre ces lignes, on brode des fausses culières et on les sépare par des cornmaout, cornes de bélier, appelées aussi plumes de paon et semblables aux palmes que portent les esclaves sur les bas-reliefs en céramique du palais de Darius. Plus exactement, le cornmaout représente les cornes renversées du bélier, animal sacré. On trouve encore répété plusieurs fois le Shanadarved, la chaîne du monde, la chaîne sans fin, image de l'immortalité chez les Celtes. Entre chaque fleur de paon, le brodeur place un balai et des œillets, et au-dessous, des points croisés et un nudendred, fil tourné. De chaque côté du gilet, des fougères sont terminées par un fer à cheval. À noter encore sur le chupen, veste courte, la fleurengwarn, fleur du coin, brodée à l'emplacement du cœur. Cette fleurengwarn est d'une symbolique sentimentale assez touchante pour qu'on y insiste. Or, tandis que j'écris, j'ai sous les yeux les figures dessinées par le docteur Letourneau sur des monuments mégalithiques que certains ethnologues voudraient dater de l'âge de la pierre polie. J'y retrouve nettement le cornemouth, les œillets en forme d'anneau avec un point central, les cercles concentriques, l'image du soleil et des étoiles. Le savant secrétaire de la société d'ethnologie, se rapportant à tous les caractères alphabétiformes connus, a même voulu expliquer certains de ces signes rupestres qui se retrouvent dans toutes les parties du monde, en Tunisie, au Pérou, etc. Lorsqu'on sait d'autre part que les poteries de plusieurs milliers d'années trouvées chez les Incas, en Bretagne, en Italie, reproduisent les motifs qui sont brodés sur les manches des femmes bigoudaines, on ne peut a priori rejeter comme absurde les propositions ayant pour but d'établir que les bigoudaines sont peut-être de toute l'Armorique les plus vieux habitants. Les nouveaux Bretons venus de Grande-Bretagne ont peut-être grand tort de les considérer comme des émigrants. Il convient de visiter un atelier de broderie à Pont-l'Abbé si l'on veut se rendre compte de la façon dont cette écriture artistique est rapportée sur les larges manches, les corsages et les gilets. Hommes et femmes travaillent accroupis sur le parquet comme des tailleurs. Il est admis que les jeunes filles ne dépassent pas une honnête habileté, tandis que les garçons deviennent exceptionnellement adroits. Et l'on vous explique que les femmes devant se marier et abandonner l'atelier lorsqu'elles ont des enfants, il est inutile de leur enseigner les dessins d'exécution difficiles. On leur donne presque toujours à faire les points de chaînette. Les jeunes filles qui gagnaient autrefois 9 sous pour 12 heures de broderie arrivent aujourd'hui à toucher 7 francs 25 par semaine. C'est encore si peu que cette année même, elles ont promené le drapeau rouge dans les rues en réclamant une légitime augmentation. L'apprentissage des jeunes garçons commence à 14 ans. Ils cousent d'abord les vêtements et le linge. Chaque brodeur, est-il besoin de le dire, est doublé d'un tailleur. Dans les petits ateliers, le même artisan sait couper, coudre et broder. Certains tailleurs de Pont-l'Abbé sont renommés dans tout le pays pour leurs coupes. Les vêtements, pantalons, gilets et vestes conservent une certaine ampleur et une certaine forme qui les ferait reconnaître en tout lieu, même si le drap noir n'était pas orné des motifs brodés bigoudins. À l'âge de 15 ans, l'apprenti s'exerce aux broderies des chemises. Il est regrettable de voir disparaître les cols brodés pour les hommes. Peu à peu, le jeune brodeur s'attache aux broderies de soie, succédant aux broderies en fil de coton, et après avoir exercé sa patience sur les nœuds and dreads et les points chouconites, il est enfin promu artiste brodeur, et son adresse devient telle qu'il compose les motifs les plus difficiles, sans repère et sans dessin d'appui. Un gilet brodé, suivant son degré d'ornementation, peut valoir de 20 à 80 francs. Les deux côtés sont dissemblables, ce qui fait qu'à la vérité, suivant que vous boutonnez à droite ou à gauche, vous découvrez la façade du dimanche richement décorée ou la façade plus sobre de la semaine. Si un beau costume brodé coûte une somme énorme pour un paysan, son possesseur le garde parfois un quart de siècle et davantage. Il y a compensation, et l'étoffe en est si résistante qu'on conserve dans certaines familles des vêtements âgés d'au moins un siècle. Puisque nous parlons des habits, disons que le deuil exigeait des étoffes jaunes. La cocarde, le daléden, la jupe même étaient feuilles mortes, absolument le ton choisi par les Chinois pour indiquer symboliquement leur douleur devant la mort inévitable. Ce fait extraordinaire renforce singulièrement les croyances en une migration asiatique. Des écrivains bretons ont objecté que des changements constants dans la toilette doivent nous rendre prudents en ce qui concerne les théories ethniques basées sur le vêtement. Sans doute, mais comme aucun ethnologue ne peut nous dire à quelle époque le jaune devint la couleur adoptée pour signifier la mort des proches, nous avons le droit de rechercher jusqu'en Chine une mode parallèle et significative. À vrai dire, l'habit des Bigoudins a subi les fluctuations de l'industrie des tissages. Et de même qu'il y a 50 ans, les épines des halliers servaient d'épingle en Bretagne aux grandes coquettes, de même la toile fournie abondamment par les tisserands villageois incitait les paysans à se tailler des culottes et des jupes bises. Maintenant, le drap noir a remplacé les anciennes étoffes, mais ce qui est demeuré, c'est la coupe. Ce sont les immuables ou presque immuables broderies. Bien que convertis au 5e ou 6e siècle par les apôtres venus d'Irlande, les habitants de la presqu'île de Pinmar mêlèrent à leur christianisme des éléments païens. Il est vrai que les Celtes armoricains conservèrent jusqu'au 9e siècle le culte des arbres, des pierres, de l'eau et du feu, et qu'il ne fallut rien moins que les ordonnances sévères de Charlemagne pour leur interdire ces pratiques druidiques qui ont d'ailleurs persisté jusqu'à nos jours. On retrouve dans la presqu'île de Pinmar, jusqu'au milieu du XVIe siècle, des traces de paganisme. En 1650, un certain nombre d'entre les habitants rendaient leurs hommages à Lucine et à Vénus. Ces divinités grecques et romaines n'étaient peut-être sous des noms différents que les divinités orientales qu'adorèrent les premiers ancêtres des Bigoudins. Leur atavisme les retournerait donc vers des cultes disparus. Cette race respectueuse de ses plus anciennes traditions s'est conservée jusqu'à nos jours avec ses caractères ethniques et moraux. Elle est joyeuse, bruyante, éprise de couleurs éclatantes. Elle aime la danse, le chant. Les filles sont hardies. Il faut les voir le soir du pardon de la Tréminou, la face brillante de plaisir entre les mille facettes clinquantes de leur lintrargan, se griser de mouvements et de cris en attendant de reprendre le travail du lendemain. Au demeurant, ces Bigoudins intelligents, actifs, aimables, ouverts aux progrès modernes tout en ne reniant pas leur passé, méritent d'être placés au premier rang parmi les races qui donnent à notre vieux sol breton sa renommée. Le commerce de plus en plus étendu avec l'Angleterre, de la presqu'île de Pinmar, ses cultures intensives, ses pêcheurs, son cabotage, son industrie d'art défendent une théorie qui nous est chère, à savoir que la beauté et le pittoresque ne sont pas incompatibles avec le progrès moderne et que l'humanité de plus en plus sombre de nos villes aurait besoin d'un peu de soleil, de couleur et de joie.